Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Un troubadour a bercé mes jeunes années. Oui, il s'appelle Georges Brassens et comme beaucoup d'entre nous, il ne m'a jamais quitté. Chez Brassens, le Moyen-Âge est sans cesse mobilisé. Lui qui a chanté la balade des dames du temps jadis, le roi boiteux et puis bien sûr, le Moyen-Âgeux. Mais parmi toutes ces chansons, il y en a une particulièrement touchante. Ah non, elle ne pousse pas à danser le rigodon. Elle s'intitule « Pauvre Martin ». Une chanson un peu triste, un peu mélancolique. Pauvre Martin, avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Nous avons tous, parmi nos ancêtres, quelques pauvres Martins qui creusaient la terre, qui trimaient dans les champs, qui creusèrent eux-mêmes leur tombe en faisant vite, en se cachant, et qui s'y étendirent sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Eh bien aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces pauvres Martins et de ces pauvres Martines aussi, ce petit peuple que l'historien ou l'historienne sait faire parler quand il creuse les archives, quand il creuse le temps. Aujourd'hui, le cours de l'histoire achève son aventure médiévale, qui est sans conteste un monde superstar, oui, le Moyen-Âge superstar, avec des émissions qui peuvent être écoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire ou sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi les podcaster avec aujourd'hui un intérêt évident pour les invisibles remuants du Moyen-Âge. Et oui, ce petit peuple dont on ne parle pas, avec Claire Jude de la Rivière, historienne, maître de conférence à l'Université Toulouse 2, qui va nous parler de la révolte des boules de neige. Nous allons aller à Venise, à la fin du Moyen-Âge. Et en deuxième partie d'émission, Bruno Dumézil va nous parler, lui, du baptême de Clovis, avec un ouvrage intitulé « Le baptême de Clovis, 24 décembre 505 », avec un point d'interrogation, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop quand, mais ça nous dit beaucoup de choses. Et à la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Quien, qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs Quien et le journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous partons faire un petit tour dans la lagune. 1099, la première croisade. Nos seigneurs reviennent tout frotter de raffinement oriental et le commerce du verre devient une source importante d'argent. Venise, qui contrôle la Méditerranée, importe les artisans, leurs techniques, leurs outils, et a presque le monopole de cette industrie. En 1291, paraît-il pour éviter les incendies provoqués par les fours, tous les verriers sont transportés dans l'île de Murano. C'était surtout beaucoup plus facile de les surveiller. Ceux qui voulaient partir à l'étranger étaient menacés. Il y eut des chantages à la famille et des morts suspectes. Giuseppe Baroviere. Nous sommes dans la maison, habitée par une dynastie de maîtres verriers depuis 4 siècles. C'est depuis Angelo Baroviere, le grand, au 15e, que toute l'invention du verre se concentre dans une île. Filets, pastillages, millefiori, verres givrés, jambes à boutons, dentelles de verre, torsades opaques, l'imagination des verriers de Murano fait la loi. Les Maîtres de Murano, c'est un documentaire sur France 3 diffusé en 1978. Et nous allons parler justement d'un épisode intéressant pour l'histoire du peuple. L'histoire du peuple à travers une étrange révolte des boules de neige avec Claire Jude de la Rivière. Bonjour Claire Jude de la Rivière. Bonjour. Cette historienne, maître de conférence à l'Université Toulouse 2 et chercheuse attachée à l'Université de Londres. D'ailleurs, c'est pour cela que vous nous parlez depuis la BBC, dont on remercie les équipes techniques. Claire Jude de la Rivière, pour comprendre cette révolte des boules de neige, il faut déjà dire où nous sommes. Nous sommes à Murano. Donc Murano, c'est une île à côté de Venise, sous domination vénitienne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Murano, c'est une toute petite île. Beaucoup de gens qui vont à Venise vont d'ailleurs visiter Murano. Elle est en vaporetto aujourd'hui, il faut une dizaine de minutes pour rejoindre Murano. À l'époque, en gondole, il faut une vingtaine de minutes, donc elle est vraiment très proche. Si vous allez au nord de Venise, sur les Fondamente Nuove, vous voyez très très bien l'île de Murano face à vous. C'est vrai que Murano est connu pour tous ceux qui ont visité Venise parce que on va y chercher des petits souvenirs de verre. C'est à Murano, on l'a entendu dans l'extrait du documentaire de France 3, Murano se spécialise dans le verre. Oui, l'histoire est intéressante. En effet, vers la fin du XIIIe siècle, Venise décide, donc la ville elle-même de Venise, décide qu'il faut sortir de la ville elle-même les fours à verre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très dangereux, en raison du fait qu'ils doivent tourner en permanence. Si vous voulez cuire du verre, il faut des fours très très chauds, ce qui veut dire que vous ne les arrêtez pas la nuit et que ces fours sont constamment alimentés. Donc évidemment, dans une ville construite encore à l'époque largement en bois, cela représente un danger évident pour le voisinage. Donc on décide d'exporter toutes ces industries un peu dangereuses et celle du verre progressivement se retrouve concentrée à Murano à la fin du XIIIe siècle et durant tout le XIVe siècle se développe. Et comme l'explique le documentaire que vous avez passé, en effet, c'est au XVe siècle que les artisans de Murano mettent au point une technique spéciale qui leur fait inventer le cristal. Et c'est ça qui va faire la réputation de l'île. Succès international, Murano se trouve alors sous domination vénitienne. Il y a quand même des institutions particulières. C'est un monde étonnant, cette relation avec Venise. Il y a un passage de pouvoir. Expliquez-nous, Claire, Jude de la Rivière, comment ça s'organise ? Alors, en effet, l'île de Murano, elle est sous domination vénitienne, c'est-à-dire que Venise envoie en permanence un représentant de ces institutions qu'on appelle le Podesta. Il est élu par le Grand Conseil de Venise. Il doit passer 3 ou 4 jours par semaine dans l'île de Murano pour la surveiller, en particulier pour tenir le tribunal de justice. Mais les habitants de l'île, qu'on peut estimer à environ 5000 au XVIe siècle, vous avez 5000 habitants à Murano, donc c'est une grande communauté, enfin c'est une communauté peuplée pour l'époque. Ces habitants ont aussi des institutions qui leur sont propres, qui ont été créés là encore au XIIIe, XIVe siècle et puis qui se sont améliorés au fil des décennies. Des institutions très spécifiques, il y a un conseil, le conseil des 30, vous avez 30 habitants de l'île qui se réunissent régulièrement pour prendre des décisions communautaires. Vous avez des représentants plus spécifiques qui vont gérer les finances de la commune, d'autres qui vont gérer l'approvisionnement en bois. Évidemment, si vous voulez que ces fours fonctionnent correctement, vous devez avoir un approvisionnement correct en bois. Donc des institutions qu'on peut appeler communautaires, qui sont relativement indépendantes par rapport au Podesta et qui prennent toutes les décisions politiques qui vont permettre à l'île de fonctionner. Claire Jude de la Rivière, je voudrais juste préciser quelque chose. C'est vrai que vous avez étudié un événement qui se passe en 1511. Alors, selon le découpage académique, nous sommes hors du Moyen-Âge. Dans la réalité des gens, ils n'ont rien vu changer à ce moment-là. C'est bien des pratiques médiévales, des institutions du Moyen-Âge qui sont encore là. Donc quand vous étudier quelque chose de 1511, en fait, ça reflète ce qui s'est passé les siècles précédents. C'est vrai que ces partitions chronologiques qu'on a l'habitude effectivement qu'on conserve parce qu'elles sont faciles, elles sont commodes pour enseigner. Mais en réalité, du point de vue de l'histoire sociale, dans la chronologie italienne, en fait, si une période existe, elle se dessine entre, disons, après la grande peste noire du milieu du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle. Vous avez là une longue scansion chronologique dans laquelle effectivement des institutions communautaires se mettent en place, se perfectionnent. Et du point de vue de l'histoire sociale, en effet, on peut considérer que le début du XVIe siècle appartient encore à une longue histoire médiévale. Ou pour le dire comme les Italiens d'ailleurs, la Renaissance. La Renaissance, il y a un contexte particulier, il faut le dire, ce début de XVIe siècle, c'est celui des guerres d'Italie. Voilà, Venise est prise dans cet immense conflit européen des guerres d'Italie. Elle est un des points cruciaux. Et c'est vrai que cet événement que j'ai étudié, que j'ai appelé la révolte des boules de neige, prend vraiment place dans un moment de grande tension pour Venise. Depuis 1509 en particulier, la République est prise dans ce conflit qui implique pour les habitants de Venise, mais aussi justement des îles et des cités sujettes, de payer plus d'impôts. Et donc, ce que j'ai identifié comme... qu'est-ce que c'est que la révolte des boules de neige, pour l'expliquer? Au début de l'année 1511, en janvier, alors qu'il a beaucoup neigé, ça fait 2 mois qu'il neige beaucoup en Italie, donc il a beaucoup neigé, Murano est sous la neige, et va avoir lieu l'une des cérémonies politiques les plus importantes de l'île, qui est la passation de pouvoir entre un podestat et un autre. Donc je l'ai dit, le podestat est élu par le Grand Conseil tous les 16 mois. Et donc, en janvier 1511, Vitale Vitture, qui a fini son mandat, doit passer le pouvoir à son successeur Giacomo Suriano. Donc les habitants se réunissent sur la place principale de l'île, à Santi Maria e Donato, qui est cette magnifique église qu'on peut encore aujourd'hui visiter avec ses mosaïques au sol absolument splendides. Les habitants sont réunis, les ouvriers évidemment, les ouvriers du verre, les domestiques, les pêcheurs qui travaillent dans l'île, mais aussi les élites de cette île, c'est-à-dire justement les patrons de fours. Et tout le monde attend que Vitale Vitture et Giacomo Suriano sortent de l'église pour les acclamer comme le dicte le rituel. Et au moment où les deux podestas, enfin l'ancien podestat, le nouveau podestat, sortent de l'église, alors qu'ils s'attendent à être applaudis, ils se retrouvent attaqués par une volée de boules de neige. Les habitants, en fait, leur lancent des boules de neige. Certains sont montés en haut du campanile, les visent et se mettent à chanter contre Vitale Vitture et qu'ils traitent de chiens, l'accusant d'avoir ruiné l'île de Murano. Et ce pauvre Vitale Vitture est obligé de s'échapper rapidement sur sa gondole et de quitter l'île de Murano, évidemment, sans les honneurs qu'il avait espérés. Chasse ce chien qui a ruiné Murano. Oui, c'est ce que vous expliquez, Claire Jude de la Rivière, en étudiant en fait un événement très particulier. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui pour comprendre le Moyen-Âge, comment on peut prendre le petit événement, en l'occurrence la bataille de Boule de Neige, et montrer son importance politique et comprendre une société à partir de là, parce que l'historien travaille sur des sources et quand il y a un événement comme celui-là, ça laisse des traces. Ce sont celles des archives du procès. Nous écoutons tout de suite un peu ce que ça peut donner, un interrogatoire, disons-le simplement. Ce jour-là, je suis restée dans le palais avec messire Agostino Soriano, frère du podestat qui faisait l'intrare, et le chancelier, et d'autres avec qui nous préparions le palais. Puis l'ancien podestat, messire Vitale Vitture, est arrivé de Venise et il est allé chez le chancelier, messire Pietro de Vielmo. Il avait envoyé un serviteur pour appeler le chancelier qui était au palais en disant que messire Vitale était arrivé, parce que la nuit précédente il avait dormi à Venise et qu'il était allé chez lui. Le chancelier est parti, et moi avec lui jusqu'à sa maison où on a mis le couvert pour le déjeuner. Quand le podestat a terminé de déjeuner, il est allé sous la loggia pour attendre son successeur. Personne ne jetait de la neige alors, sauf les enfants qui, à travers le campo, se jetaient de la neige en disant « Sorio arrive !» Arriva ensuite messire Giacomo Soriano, le nouveau podestat. Messire Vitale Vitture vint depuis la loggia, puis ils allèrent à l'église, en compagnie. Et quand ils sortirent de l'église, au retour, tous se lançaient de la neige en jouant ensemble, et ceux du campanile envoyaient eux aussi de la neige, ici et là, en sonnant la cloche. Car cela a toujours été l'usage de sonner la cloche lorsque le podestat fait son entrée. Et moi, je ne pouvais pas tellement crier ou les réprimander, et ils persévéraient à se lancer de la neige du campanile comme du campo. Même le nouveau podestat, et tous en ont reçu. Claire Jude de la Rivière, donc c'est une lecture par Nathalie Canoui de ce que l'on peut trouver dans les archives qui concernent cet événement, cette bataille, cette révolte des boules de neige, comme vous l'avez intitulé dans votre ouvrage, un événement du 27 janvier 1511, on se trouve à Murano, donc pas très loin de Venise, et la population n'est pas contente du nouveau podestat, du nouveau chef qu'on leur envoie. Ces archives, en fait, vous ont permis de travailler sur un micro-moment qui est en fait tout petit. Elles sont où ces archives ? Alors ces archives sont conservées en majorité à Venise, aux archives d'État de Venise, dans un magnifique bâtiment, c'est l'ancien couvent des Frari. Et vous avez effectivement des centaines de milliers de documents qui ont été produits à Murano pendant le Moyen-Âge et puis qui étaient conservés par la chancellerie vénitienne et donc qui sont aujourd'hui parfaitement accessibles. Ça ressemble à quoi d'ailleurs ? Ce sont des liasses Oui, c'est des grandes boîtes pour ce fonds spécifique, donc Podestat di Murano, ce sont des liasses avec un ensemble très varié de sources. C'est ça qui a fait aussi la richesse de cette enquête pour moi. J'ai trouvé d'abord le procès dont vous venez de lire un extrait dans un fonds un autre fonds qui est celui des archives criminelles. Et à partir du moment où je me suis intéressée au Podestà de Murano, en fait, j'ai découvert des tas de séries différentes. Donc, vous avez des comptabilités, des décisions de justice, vous avez les cris publics, les cris qui doivent être régulièrement prononcés par le crieur public, dont on vient d'entendre le témoignage. Hein, celui qui parlait, c'était le crieur public. Donc, vous avez énormément d'archives différentes. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai pu aller à Murano, même, dans les archives paroissiales, où j'ai trouvé d'autres documents qui venaient compléter cette documentation vénitienne. Alors ce moment, ce 27 janvier 1511, cette révolte des boules de neige, c'est un moment important. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors après, effectivement, il y a un procès. Il est important pour Venise parce que, comme on le sait, on appelle Venise la Sérénissime. La Sérénissime, ça veut dire la très sereine. Pourquoi ? Parce que c'est une des rares cités-états italiennes où il n'y a pas de révolte populaire. Elle est connue pour ça. Le peuple est docile, il est silencieux. Donc moi, quand j'ai trouvé cette histoire dans les archives, évidemment, j'ai été tout de suite intéressée parce que je me disais, tiens, je trouve un événement qui ressemble à une révolte. Évidemment, c'est un titre. Hein. Quand on lit le livre, on se rend bien compte. C'est une émeute, c'est un charivari. Ça n'a rien d'une révolte politique comme on peut les voir dans d'autres cités italiennes ou même du Royaume de France à l'époque. Mais c'est un événement intéressant parce que justement, il nous montre que Venise n'était pas si sereine que ça. Et donc, le procès qui suit, en fait, essaie de reconstituer ce qui s'est passé sur le Campo, qui ont été les habitants en particulier qui ont jeté la neige, et d'essayer de comprendre justement si c'était une nature politique ou pas dans ces actes mêmes. C'était politique ? Alors moi je pense que c'était politique, c'est l'interprétation que j'en donne, c'est-à-dire que ce que j'essaie d'étudier à travers le livre, à travers l'étude de cet événement, mais aussi au-delà, en essayant de comprendre comment la communauté mouranaise était organisée, j'essaie de ce que j'ai appelé repolitiser l'histoire sociale, c'est-à-dire que j'essaie de lire un certain nombre de processus sociaux qu'on a l'habitude de lire comme des pratiques communautaires, disons communes, ordinaires, de montrer qu'en fait elles ont un profond sens politique, que le fait qu'une petite communauté de pêcheurs et de verriers au début du XVIe siècle soit capable de s'organiser par exemple pour reconstruire un pont, pour créer une fiscalité communautaire où chacun va donner en fonction de ses moyens pour pouvoir payer le pont nécessaire à la vie de la communauté au moment où Venise ne peut pas payer à cause justement des guerres d'Italie, je pense que c'est un acte politique. Donc de la même façon, j'essaie en fait de voir comment dans les sources on peut lire à travers les déclarations des témoins, à travers les déclarations des habitants, des intentions politiques, et j'essaie de les déchiffrer. Oui, c'est ce que vous expliquez, Claire-Jude de la Rivière, dans votre ouvrage « La révolte des boules de neige » qui a paru chez Fayard. Vous écrivez « Une communauté restreinte, une chronologie resserrée, un événement ponctuel demeure des conditions nécessaires pour identifier et suivre les acteurs, reconstituer leur biographie, considérer les interactions sociales situées et circonstanciées dans lesquelles ils se sont engagés. C'est une démarche particulière, un choix de partir du petit, en l'occurrence du peuple, pour étendre et comprendre une société. C'est une démarche qui dépasse presque l'histoire sociale. Oui, c'est effectivement ce qu'on appelle la micro-histoire. C'est cette idée qu'en se concentrant sur un événement tout petit, ou en focalisant notre regard, comme l'a dit Jacques Revel, au ras du sol, c'est-à-dire regarder vraiment ce qui se passe dans les micro-détails, on peut remonter en généralité et comprendre comment fonctionne une société. Et effectivement, vous l'avez dit en introduction de l'émission, on a souvent l'impression que les gens du peuple sont inaccessibles, sont invisibles, sont transparents. En fait, ils sont partout dans les sources. Si on cherche bien, et même, on n'a pas besoin de chercher très longtemps, on a plein d'histoires sur les gens du peuple. Il faut évidemment apprendre à les lire, à les identifier, à sortir du regard des élites sur le peuple, mais on trouve plein de choses. Donc cette micro-histoire permet justement d'aller recueillir tous les détails de leur vie quotidienne pour essayer de reconstituer plus généralement la façon dont leur communauté fonctionne. Il y a un historien qui est une figure majeure de cette démarche historique, la micro-histoire. Il s'appelle Carlo Ginzburg et nous allons lui demander tout simplement, mais que nous montre la micro-histoire. La micro-histoire montre qu'en principe, disons, une communauté de pêcheurs islandais peut être l'objet d'une recherche qui a autant de valeur que, disons, une recherche sur la prise de la Bastille. Alors là, il y a, disons, un renversement potentiel avec des applications politiques pour ce qui concerne l'histoire. C'est-à-dire que ce sont les résultats qui sont importants, pas, disons, une hiérarchie concernant l'effet des événements. Alors, c'est les rapports entre centre et périphérie qui est en jeu. Et à mon avis, tout ça est vraiment très important. À mon avis, tout ça est lié aussi au rapport entre histoire et anthropologie, qui a été très important dans les années 70, moins important maintenant. Mais l'idée que ce n'est pas telle ou telle tribu, mais les questions qu'on pose, qui est important, c'est une idée qui avait été lancée par Malinowski, disons le fondateur de l'anthropologie contemporaine, on peut dire. Nous venons d'écouter Carlo Ginzburg, donc le pape de la micro-histoire, Claire Jude de la Rivière. Quand vous entendez cette relation qui est faite entre l'histoire et l'anthropologie, vous vous retrouvez dans cette démarche ? Alors je me retrouve, elle fait partie de ce qui m'a formée, même si je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comme le dit Carlo Ginzburg, l'anthropologie historique a été bien explorée à partir des années 70 et peut-être aujourd'hui elle donne naissance ou elle a donné place, disons, à d'autres échanges avec les sciences sociales. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai été plus influencée par ce qu'on appelle la sociologie pragmatique, c'est-à-dire une sociologie qui essaie justement de s'intéresser aux actions, qui essaie de voir comment les gens interagissent, d'observer au plus près comment une société est formée par la façon dont les gens agissent et interagissent entre eux. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, l'histoire, la micro-histoire, montre tout l'intérêt qu'il y a en tant qu'historien à dialoguer avec les autres sciences sociales. Et puis, il y a un procédé narratif qui est intéressant, en l'occurrence, en décryptant un événement comme celui que vous avez étudié, Claire-Jude de la Rivière, cette révolte des boules de neige en 1511. Donc, on jette des boules de neige sur le podestat, ça se passe pas bien, et donc il y a un procès. Il y a eu des condamnations ? Alors justement, j'ai presque envie de vous dire, je ne vous le dirai pas, il faut lire le livre pour s'en rendre compte. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, je ne vous dirai pas s'il y a eu des condamnations, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire que la condamnation, finalement, c'est ce qui va donner le sens à cette interaction, justement, à cette révolte des boules de neige. Donc en fonction de la décision qu'ils vont prendre, les juges vont finalement donner du sens à cet événement. Et ce que je peux vous dire, c'est que les juges mettent du temps à se mettre d'accord. À Venise, la justice est collégiale. Donc, les magistrats proposent une sentence et ensuite, il y a une assemblée de patriciens qui votent pour accepter ou pas cette sentence. Et il faut qu'ils se réunissent à plusieurs reprises avant de se mettre d'accord justement sur la sentence, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le sens à donner à cet événement. Est-ce que c'est un événement politique qui va contre le patriciat, qui va contre l'État, ou est-ce que c'est juste un charivari à quelques jours avant le carnaval ? On pourrait dire que déjà au tout début du XVIe siècle, il y avait une discussion pour savoir si le peuple vénitien a une conscience politique ou pas. C'est un peu la question qui se pose. Alors conscience politique, opinion publique, ce sont des termes souvent anachroniques. Mais le peuple, qui est souvent réduit à son rôle de travailleur, réfléchit quand même à son univers. Alors on l'entend moins parce qu'il a moins laissé de source, mais il y a vraiment une conscience, une réflexion. Alors ça, c'est vraiment une question intéressante et importante. Et je pense que la situation est très différente d'un espace à l'autre en Italie. À Florence, vous avez très clairement une conscience politique qui s'exprime bien plus tôt, même à la fin du XIVe siècle, lors d'une autre révolte bien connue qui est la révolte des Ciompi en 1378. Vous avez là l'expression d'une conscience politique populaire, que les travailleurs de la laine ont conscience et revendiquent d'appartenir à un groupe. À Venise, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que justement, le rôle des patriciens a fait qu'ils ont, d'une certaine façon, effacé, atténué cette possible expression d'une conscience collective des habitants. Et c'est une des questions sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. Et en réalité, à Venise, l'idée même de peuple existe assez peu en dehors d'une rhétorique patricienne un peu attendue. Les habitants ont plutôt conscience d'habiter la ville, justement, d'appartenir à la ville, et c'est l'espace, le territoire de la cité qui donne un sentiment d'appartenance davantage que cette idée politique ou sociale du peuple. C'est important de souligner ce que vous venez de dire, Claire-Jude de la Rivière, qu'on ne peut pas prendre le Moyen-Âge comme un tout, on le sait bien par la chronologie, on ne peut pas le prendre comme un tout également par les différents espaces de la géographie. Et là, on est en plus sur des espaces petits, en l'occurrence pour l'Italie du Nord, avec un monde extrêmement divisé et morcelé, et des expériences politiques très très diverses en fait, à peu de kilomètres l'une de l'autre. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on alors on a bien étudié justement les cultures politiques de ces différents espaces, Milan, Florence, Rome, évidemment, toutes les villes de Toscane ou Venise. Donc on connaît leurs différences du point de vue de la culture des élites, du point de vue de la culture humaniste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en étudiant aussi justement les cultures politiques ordinaires, celles des habitants, les cultures communautaires, les pratiques politiques communautaires, il y a aussi de différence. Il y a aussi justement au-delà d'une forme de commune qu'on peut retrouver d'un espace à l'autre, il y a aussi justement des spécificités politiques qui sont liées au territoire. Et là, je pense que c'est ça l'intérêt de Venise, c'est qu'on se rend compte à quel point la lagune, on le sait bien, c'est un environnement naturel très spécifique, très particulier, l'omniprésence de l'eau, crée aussi justement des usages qui sont propres aux Vénitiens, qu'on ne retrouvera pas dans les autres grandes villes italiennes. Et puis dans La révolte des boules de neige, votre ouvrage Claire Jude de la Rivière, on trouve des gens de la chair et ça fait du bien. Enfin, voilà, on est proche d'eux parce qu'il y a des vraies préoccupations de gens qui, là, d'un seul coup, sont un peu en colère et envoient des boules de neige. C'est pas bien. Mais enfin bon, c'est pas si grave que ça. Merci beaucoup Claire-Jude de la Rivière, en direct de la BBC. Je trouve ça extrêmement classieux. Mais pour le moment, on va clore la boucle. Alors voyez, avec vous Claire-Jude de la Rivière, nous sommes à la fin du Moyen-Âge, tout début du XVIe siècle. Mais au cours de l'histoire, nous aimons bien remonter le temps. Alors nous allons retourner au tout début avec le baptême de Clovis, un baptême exceptionnel car c'est un moment fondateur de notre histoire, mais on ne sait pas trop ce qui s'y est passé, d'ailleurs on ne connaît pas la date et on ne sait pas trop le lieu. En tout cas, pour le moment, c'est la Chica Cambio. Valentina quiere a Paco, pero Paco no la mira y se van los ojos llenos de lágrimas. Es que Paco se muere por Juana y como Juan es gay no piensa en Paco. Por un segundo pensé que te gustaba, pero tus ojos se fueron más allá de mi universo, los pies en otro mundo, la boca en su boca. Soy mejor que ojos no creo, será su sonrisa, no puede ser, su linda cintura y toda la forma que ella baila, no puedo entender, entender. No quiero entender. Busqué, hey. Tu cuerpo me habla, como saber si él me quiere, hey. Estoy buscando, estoy buscando. La Chica Cambio qui chante Meror que Ella dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Julien Calvas et Anthony Thomasson. Nous continuons notre exploration de ces moments particuliers du Moyen-Âge. Après avoir vu le peuple, le moment peuple, nous étudions le moment événement. C'est le cas du baptême de Clovis avec vous, Bruno Dumézil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre et l'auteur du baptême de Clovis le 24 décembre 505. Ah, un point d'interrogation sur le titre de votre ouvrage, parce qu'évidemment, ça pose des soucis. Un ouvrage publié chez Gallimard. C'est vrai que sur ce baptême de Clovis, il y a ce doute majeur, on ne sait ni où ni quand. On ne sait ni où, ni quand, ni quel jour exactement. C'est le 24, le 25, mais si vous voulez le mettre au printemps, c'est aussi possible. C'est en décembre, bon, on dit Noël, mais on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr, et les premiers chroniqueurs, dès le 6e siècle, ne savent pas trop. Donc, disons, posons un point d'interrogation quelque part sur la date, c'est plus raisonnable. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce baptême de Clovis est un événement d'histoire sans cesse récupéré, un événement d'histoire qui a souvent posé polémique. C'est le cas en 1996, quand le pape est venu en France. Ils étaient ce matin 180 000 fidèles autour de Jean-Paul II sur la base aérienne 112 à Reims. Dernière étape de son pèlerinage en France pour commémorer le baptême de Clovis, voici 15 siècles. Une célébration que le pape savait objet de tension dans notre pays. S'opposant tant aux ardeurs des ultras de la laïcité qu'à celles des catholiques traditionalistes ou des politiques tentés par une récupération nationaliste de l'événement, Jean-Paul II a qualifié simplement d'événement important le baptême du roi des Francs. Son baptême eut le même sens que tout autre baptême. Avec sa force sereine de pèlerin de l'absolu, Jean-Paul II, bravant toute contestation et rejetant toute récupération de l'histoire de notre pays, comme les querelles partisanes, a voulu encourager les chrétiens à l'humilité de l'engagement et au dialogue avec tous les hommes, au nom du baptême de Clovis, mais surtout de leur baptême à eux. Bruno Dumézil, évidemment, il y a du religieux dans le baptême de Clovis. Dès lors, il peut y avoir polémique dans un monde républicain. Ce feuilleton de l'anniversaire des 1500 ans du baptême, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, à la base, l'événement ne devait pas poser de problème. Alors l'événement, on ne sait pas trop, mais en tout cas, comme on ne sait pas la date, on peut quand même fixer un 15e centenaire. Et le 15e centenaire, il a posé problème indiscutablement. On l'a entendu, lorsque le pape est venu en 1996, le baptême de Clovis faisait la une des journaux. Quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce que toute la classe politique, mais aussi une partie de l'opinion publique, et même les catholiques, ont créé un débat autour de cette question. Est-ce que le baptême de Clovis est une date importante pour l'histoire de France? Oui, c'est une bonne question qui a été posée à ce moment-là. Dans votre ouvrage « Le baptême de Clovis » chez Gallimard, Bruno Dumézil, vous expliquez bien qu'il faut recontextualiser ces 1500 ans, cet événement-là. Nous étions après le bicentenaire de la Révolution française, donc un événement qui avait été commandité par un gouvernement de gauche. Et en 1996, le baptême de Clovis, tel qu'il était commémoré, a été lu comme un événement commandité par un gouvernement de droite. Et oui, à Matignon, il y avait quelqu'un qui s'appelait Alain Juppé, donc qui était plutôt un homme de droite. Mais du côté du Sénat, il y avait un certain Jean-Luc Mélenchon qui a fait une diatribe terrible contre le baptême de Clovis en expliquant que la France commençait avec le pacte fondateur de 1789. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de roi qu'on allait célébrer, de chrétien qu'on allait financer aussi? C'est là le véritable problème, puisque qui dit célébration nationale dit investissement de l'État. Et donc, il y a eu un long débat. D'autant plus que le pape est venu. Là, c'était l'inattendu, et il est venu le jour 22 septembre de la proclamation de la Première République. Que voulait faire Jean-Paul II? Est-ce qu'il voulait remplacer la mémoire de la monarchie par la mémoire de la République par la mémoire de la monarchie? Bon, on l'a entendu, le pape a été d'une extrême prudence, mais quelques années plus tôt, il avait dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Est-ce que la France est vraiment la fille aînée de l'Église? Oui, ces questions-là sont des questions donc très contemporaines. Avec le baptême de Clovis, nous avons un moment intéressant, car il traverse les siècles. Mais si on revient à cette réflexion autour du baptême de Clovis, c'est vrai qu'on tourne toujours autour de cette idée de date. Bruno Dumézil, dans cette recherche du Moyen-Âge factuel tel qu'il est, dans la recherche de la source et du moment, on est souvent confronté à un mur, c'est le cas ici. Vous disposez de quelle source sur le baptême de Clovis? Je veux dire, de quelle source de l'origine? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a une lettre, si, qui nous vient de Vienne. Alors, on a une lettre, mais vous parliez de mur, on serait content d'avoir un mur. Hein. On serait content d'avoir les murs du baptistère. On a 1,20 m de conduit d'évacuation. Même la cuve a disparu, si jamais ça s'est passé à Reims. Alors, on a une lettre, c'est vrai. On a un texte qui a été écrit par un évêque de Vienne, dans la vallée du Rhône, vraisemblablement à Clovis, on n'est pas sûr à 100%, mais vraisemblablement à Clovis, pour s'excuser de ne pas être venu au baptême. Donc c'est à partir de cet événement en creux, donc un baptême qu'il n'a pas vu, qu'il développe une petite réflexion sur ce que doit être un baptême idéal. Donc malheureusement pour nous, ce n'est pas une lettre qui décrit le baptême, c'est une lettre qui décrit l'absence de baptême. Et puis, 75 à 80 ans après les événements, on a les premiers récits qui commencent à apparaître. Mais c'est quand même très loin après. Ce qui veut dire que l'événement a existé, il a sans doute été important pour le roi, mais les contemporains ne l'ont pas reçu comme un événement important. Et alors le lieu aussi pose problème, parce que Reims est entré dans la tradition, mais Bruno Dumézil, vous expliquez clairement qu'il y a un souci, c'est que la ville de Reims n'est pas mentionnée dans ces années-là. Autour de 500, il faut attendre presque un siècle, même plus d'un siècle, pour que pour la première fois la ville de Reims soit mentionnée. Aïe! Ah oui, c'est quand même embêtant. Donc la lettre, le seul document contemporain, dit que Clovis a été baptisé par plusieurs évêques. Donc plusieurs évêques, ça peut se ressembler un peu n'importe où. Puis, 70 ans après les événements, on ne mentionne plus que Rémi de Reims. Comme Rémi de Reims, c'est un prélat épouvantablement casanier qui râle à chaque fois qu'il est obligé de sortir de sa ville, on se dit, bon, ça a dû se passer chez lui. Hein. Et puis, il faut attendre les années 660 pour que vraiment on ait un premier texte qui nous dise, oui, ça s'est bien passé à Reims, ça s'est passé le jour de Pâques. Le problème, c'est que la lettre nous dit que ça s'est passé le jour de Noël. Aïe. Donc, le premier récit qui donne un jour et un lieu se trompe au moins sur le jour. Alors ensuite, le lieu, bien entendu, vous comprenez que c'est sujet à polémique. Bon, somme toute, Reims, c'est vraisemblable, mais est-ce que c'est si important que de localiser cet événement ? Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est surtout le symbole que représente le baptême de Clovis. Ce baptême, il a bien eu lieu, rassurez-nous, Bruno Dumézil. C'est vrai, il y a eu baptême. Ah oui, il y a eu baptême. On aimerait savoir exactement dans quelle confession chrétienne. Il faut bien l'avouer, il a été converti au catholicisme, mais à cette époque-là, il y a deux schismes actifs. Donc, on peut être du côté du pape, mais il y a deux papes. Donc, on ne sait pas de quel côté Clovis s'est véritablement aligné. Ou on peut être en communion avec le patriarche de Constantinople, avec les Byzantins. Or, tout laisse à montrer que Clovis est quand même plutôt tenté par l'alliance byzantine. Donc, finalement, est-ce qu'il se serait converti à autre chose que ce que nous appelons le catholicisme ? C'est pas impossible. Ça expliquerait aussi ce silence gêné de presque trois générations après le baptême. En tout cas, il y a des hésitations. C'est énorme de se dire aussi longtemps après le baptême pour un événement qui a été lu comme fondateur, en fait, de la monarchie française. Il a été lu comme fondateur, mais très progressivement. L'idée que le roi devient chrétien et que la monarchie est chrétienne apparaît relativement tôt. L'idée que ça se passe à Reims, c'est tard. En fait, c'est au IXe siècle, lorsque les archevêques de Reims veulent récupérer cet événement pour récupérer toute autre chose. C'est pour récupérer le sacre. Le sacre, c'est une invention du 8e siècle, ça n'a rien à voir avec Clovis. Mais les archevêques de Reims ont l'idée géniale de mélanger les deux, d'expliquer qu'une colombe est apparue, a apporté de l'huile pour le baptême de Clovis, et que cette onction à l'huile sainte, c'est plus qu'un baptême. C'est un sacrement particulier, c'est un sacre. Et que désormais, il n'y a que les archevêques de Reims qui peuvent délivrer ce sacrement particulier. Ah oui, donc c'est très intéressant de toutes les manières. Capital symbolique gigantesque, mais aussi de quoi en tirer énormément de bénéfices. Donc c'est intéressant de ramener le sacre du roi à Reims. Ah, il s'agit surtout de ne pas le perdre en fait. C'est qu'on sacre un peu partout. Hein. On sacre à Sens, on sacre à Paris. Au moment où les archevêques de Reims essaient d'argumenter là-dessus, ils n'ont pas la majorité. La plupart des sacres se déroulent en dehors de chez eux. Mais parce que les textes sont diffusés, parce que ce sont de magnifiques textes aussi, c'est ça le Moyen-Âge, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même un génie extraordinaire. L'archevêque de Reims, Cinq-Mars, au milieu du 9e siècle, est quelqu'un qui est capable de pondre une vie de Saint-Rémy grandiose, qui va démontrer par A plus B que ça n'a pu se passer que comme ça. Et parce que le texte est bien diffusé, parce que les images interviennent. Tout de suite, on réalise une petite gravure sur ivoire qui représente le baptême de Clovis pour la première fois, avec tous les personnages qu'il faut, eh bien ça va marcher. Et cette idée, on va la voir sur le portail des cathédrales. L'idée que le baptême est un sacre et ça se passe à Reims, que c'est le lieu fondateur de la monarchie française, entre dans l'histoire. Voilà, la conversion de Clovis et son baptême entre dans l'histoire et s'impose un récit qui est peut-être loin de la réalité, mais en tout cas qui entre dans les esprits. Clotilde, qui est une fervente catholique, va harceler son époux. Elle veut le convertir à sa foi. Clovis ne l'écoute pas, ses idoles lui suffisent. Clotilde et les évêques ont beau lui parler de leur Dieu, Clovis ne veut rien entendre, mais rien. Jusqu'au jour où, combattant les Alamans à Tolbiac, il fit appel au Dieu de Clotilde alors qu'il perdait la bataille. Il fit le serment de se convertir si ce Dieu lui donnait la victoire, et il gagna. Rentré chez lui, un peu ému, un peu gêné, Clovis raconte à la reine le serment qu'il a fait. Le trouvant enfin prêt à accepter sa religion, Clotilde se précipite. Elle fait appel de suite à l'évêque de Reims. Rémy arrive. Il vient pour instruire le roi dans la doctrine chrétienne. Pendant un an, l'évêque Rémy et un autre catéchiste, Vaast, vont préparer Clovis, lui enseigner la doctrine chrétienne et amener en lui la foi. Le baptême eut lieu à Reims, un jour de Noël, dit-on, en cette fin du 5e siècle. Un extrait du Jour de Seigneur en 1990. Alors l'honnêteté veut que l'on précise, vu que c'est un extrait, que dans la version longue, il est évidemment dit que tout ça est une histoire racontée, mais qu'il y a conscience que ce n'est sans doute pas vrai, parce que l'on sait que ce récit-là est juste un récit construit. Mais ce récit construit, il a été véhiculé pendant des siècles et il a été utilisé... À quel moment vraiment on impose ce baptême de Clovis comme quelque chose de fondateur? À quel moment les rois de France s'en emparent? À partir du moment où il y a des rois de France, c'est-à-dire au moment où l'on passe du système que l'on appelle mérovingien puis carolingien, mais qui a un monde franc très lâche, très vaste, hein, qui couvre la moitié de l'Europe, à une Francie occidentale qui a des besoins très précis, des besoins de légitimité, qui a besoin absolument de se trouver des fondateurs, alors que le premier fondateur est Hugues Capet, une personnalité assez évasive, difficile à recontextualiser. Clovis, c'est quand même mieux, quand même, il faut bien le dire. Donc, les Capétiens se disent que l'affaire est bonne. Et donc, on commence à développer toute une légende autour de Clovis. C'est le cas au XIIe, XIIIe siècle, lorsque pour la première fois, Clovis se met à arborer un blason. Alors tant qu'il est païen, c'est pas extraordinaire, il a un bouclier avec des batraciens jaunes dessus, bon, c'est un peu démoniaque, mais le jour où il se convertit, un ange apparaît et transforme ses crapauds en fleurs de lys. Et voilà, l'origine du blason de France, c'est la conversion de Clovis. Et toute une série de légendes se développe autour de cette figure de Clovis comme fondateur. C'est le lien aussi avec l'Antiquité, parce que Clovis, raconte-t-on, est le fils des héritiers de la guerre de Troie. C'est un prince troyen, en fait. Et donc, on vient de très très loin, mais parce qu'on s'est converti un jour, on ne sait pas trop quand, hein, toujours, mais parce qu'on s'est converti, on a le droit d'occuper un territoire et de l'occuper chrétiennement et d'assurer le salut. Pour la première fois vers le XIIIe siècle, Clovis devient un roi très chrétien. Et au XIVe, on l'appelle Saint Clovis. Ça ne passera pas le Concile de Trente. Mais enfin, pendant deux siècles, notamment pendant la guerre de Cent Ans, quand on a besoin d'aller à Reims, hein, pensez à Jeanne d'Arc qui amène Charles VII sur ce lieu fondateur. Et à partir de là, Charles VII est devenu un roi intouchable. Eh bien, on a besoin à certains moments de rappeler que Clovis a été le premier roi de France et donc de ramener sur le devant de la scène ce baptême des origines. Bruno Dumézil, dans le baptême de Clovis chez Gallimard, vous tirez encore plus loin l'héritage de Clovis parce que les rois de France, on le comprend très bien, mais après la Révolution française, ça continue. Donc là, on a un empereur, Napoléon Ier, qui a un petit faible pour Charlemagne, lui. Alors là, il y a une concurrence Clovis-Charlemagne. Mais tout le monde a un faible pour Charlemagne, il faut bien l'avouer. Même les Capétiens, hein. L'épée du sacre, c'est l'épée de Charlemagne, c'est pas l'épée de Clovis. Clovis sera toujours un second couteau face à Charlemagne. C'est la solution du pauvre. Mais il n'empêche que, à certains moments, on ramène Clovis quand on ne sait plus trop quoi faire. C'est le cas au moment où Napoléon doit choisir les ornements du sacre en 1804. Que choisir ? Bon, la fleur de lys, c'est pas trop possible parce qu'on sort juste de la Révolution française. Mettre le coq, là, Napoléon a une haine viscérale pour les gallinacés. Donc, il trouve que ça fait animal de basse-cour. Donc, on va chercher un ornement mérovingien, une abeille que l'on avait trouvée dans la tombe du père de Clovis. Et là, effectivement, c'est historique. Au milieu du XVIIe siècle, on avait trouvé la tombe de Childéric. Et donc, l'abeille devient le symbole, le premier symbole de l'Empire. Mais le premier, hein, parce que rapidement, l'aigle de Charlemagne va l'emporter. Et puis, Napoléon finit l'année par un petit pèlerinage à Aix-la-Chapelle où il va récupérer des reliques impériales. Bruno Dumézil, on a plein d'animaux avec vous ce matin. On a des crapauds, des abeilles, des coqs et l'aigle, évidemment. C'est vrai qu'après la Révolution, les rois de France, Charles X, Louis XVIII, continuent à regarder un petit peu vers le passé lointain, le passé mérovingien, et vers Clovis, toujours en quête de légitimité. Oui, quand Charles X décide de restaurer le sacre, à vrai dire, il n'a rien. L'ampoule, la sainte ampoule de Reims a été fracassée en 1793. Les ornements du sacre ont été dispersés ou fondus. Il n'y a plus rien. Mais il reconstitue de briques et de brocs un ordo, donc un rituel de couronnement. On fabrique quelques objets, on prétend en retrouver d'autres. Et puis surtout, on produit des textes. Mais ce sont des grands auteurs. Victor Hugo commence sa carrière en produisant des textes sur Clovis, en célébrant Charles X comme l'héritier des Mérovingiens. On fait des tableaux aussi. Entre Charles X et Louis-Philippe, c'est l'époque où, pour la première fois, on va montrer à tout le monde ce qu'a été le baptême de Clovis. Alors, les tableaux de la première époque font un peu rire, parce que c'est de la reconstitution à l'antique. Et puis, petit à petit, les peintres d'histoire deviennent bons. Ils fréquentent les archéologues, et on voit, dans la deuxième moitié du XIXe siècle notamment, des reconstitutions quasi archéologiques de ce qu'a pu être le baptême de Clovis, des grands formats qui peuplent encore nos musées actuels. Dans cette reconstitution, Bruno Dumézil, il y a celle que vous évoquez, que peuvent faire les rois de France, mais il y a la vôtre. Vous n'êtes pas roi de France, mais vous êtes historien et vous utilisez ce moment, celui du baptême, avec tous les doutes qu'il y a autour, pour reconstituer ce médiéval, ce monde particulier qu'on essaie d'appréhender. Et c'est vrai qu'à partir du baptême, vous réfléchissez. Et quand on lit le baptême de Clovis que vous publiez, on voit bien que, je prends par exemple la date de Noël, qui est associé au baptême de Clovis. Ça vous permet de donner les hypothèses et d'expliquer la vie de ces gens-là. Pourquoi ce n'est pas au printemps? Pourquoi, enfin, des hypothèses toujours. Pourquoi peut-être pas à Pâques? Pourquoi plutôt Noël? Alors, pourquoi Noël? Bah parce que à Noël, il fait froid, il n'y a pas d'herbe, et dans ces cas-là, le roi n'a rien à faire. Il ne peut pas aller à la guerre. La guerre occupe le printemps, le début de l'été. À l'époque mérovingienne, c'est le travail normal que Dieu, d'amener son armée à la guerre. Le roi le fait tous les ans. Donc on peut supposer que la date de Pâques aurait posé problème dans ce calendrier de la guerre. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est de voir qu'à partir du IXe siècle, plus personne n'évoque la date de Noël, parce que Pâques, c'est le centre du calendrier chrétien. C'est le centre de toute cette année liturgique qui va rythmer la vie des derniers Carolingiens, des Capétiens et de tous les rois de France. Et donc, en changeant la date du baptême de Clovis, on christianise beaucoup plus fortement, puisque pour les chrétiens du Moyen-Âge, Pâques est la date sainte par excellence, alors que Noël n'est qu'une date parmi d'autres. Et puis, ça vous permet aussi, Bruno Dumézil, de rechercher, à partir toujours de ce moment-là, ce qu'était ce peuple, ces gens, toujours en quête de médiéval. Et vous écrivez « Quittons un moment les Francs et leur roi à la mystérieuse pilosité. Le baptême de Clovis constitue aussi, avant tout peut-être, une affaire interne du christianisme. » Mais c'est vrai, vous parlez de pilosité, non, parce que dans votre style, il y a ces petits clins d'œil souriants, et c'est toujours très agréable, mais ça vous permet de parler de la pilosité de ces Mérovingiens. Ah oui, les Mérovingiens sont appelés les rois chevelus. Ils ont des cheveux longs, et puis à partir du 7e siècle, ils ont même la barbe longue. Donc il faut imaginer des gens un peu hirsutes, quoique bien peignés quand même. On a beaucoup de peignes qui ont été conservées, des shampoings aussi. Oui. Les commentateurs admirent beaucoup les shampoings mérovingiens. Alors pourquoi, on ne sait pas. Pourquoi Clovis avait les cheveux longs? Les premiers commentateurs ne savent pas, et je suis à peu près sûr que les rois francs non plus ne savent pas. Mais pourquoi est-ce que de temps en temps on porte la cravate? À quoi ça sert? En fait, il y a un certain nombre de marqueurs dans ces sociétés qui vont être utilisés, puisqu'il y a peu de temps, aux Archives nationales, on a enfin retrouvé des poils mérovingiens. Dans la cire des sceaux des actes royaux mérovingiens, le roi déposait 3 ou 4 de ses cheveux. Donc on comprend beaucoup mieux cette société-là quand on nous explique que les rois mérovingiens, quand ils étaient déposés, étaient tondus. Si vous êtes tondu, vous ne pouvez plus faire d'acte administratif. Donc le moment pour comprendre l'ensemble d'un monde, Bruno Dumézil, donc on peut garder maintenant cette date pour le baptême de Clovis, 24 décembre 505, mais on met un point d'interrogation. Oui, mais gardez-la pendant un an ou deux avant une contradiction. Voilà. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure maintenant d'accueillir Anaïs Quien pour son journal de l'histoire. Anaïs Quien, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, non, il n'est pas question de poils mérovingiens. Anaïs, le journal de l'histoire est hollywoodien. Exactement. Si cela vous a échappé, je vous l'annonce, le dernier volet du blockbuster de Sylvester Stallone, Rambo, Last Blood, sort demain dans les salles américaines. J'ai passé ma vie à affronter la mort. Et regardez ce que j'aimais, mourir. Certains foudroyés d'une balle, d'autres si abîmés qu'il ne restait plus rien à enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets. Mais l'heure est venue d'affronter mon passé. Comme vous l'entendez, Rambo entretient toujours une certaine rancune contre un « il » au pluriel assez énigmatique, une présence menaçante qui le taraude et qui constitue le moteur de l'intrigue. Pour comprendre qui est cet ennemi collectif, remontons aux origines de ce héros toujours armé et systématiquement désespéré, qui nous raconte une part de l'histoire américaine. Dans le premier film, sorti en 1982, John Rambo rentre du Vietnam marqué par les horreurs de la guerre, et l'accueil au pays est un peu frais. Sans emploi, sans domicile et sans attache, il accepte de repartir dans la jungle pour sauver un prisonnier et termine abandonné par ses supérieurs en territoire ennemi. Cette trahison leur vaudra une revanche tonitruante, tout en deltoïdes, pectoraux et fusils d'assaut, jusqu'à l'intervention de l'ancien sergent de Rambo appelé à la rescousse. C'est terminé, Johnny. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner! Et je suis revenu dans le monde! J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des proches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle? Ils nous jugent, ils savent pas de quoi ils parlent. Nous sommes à la fin du film. Rambo craque et exprime son traumatisme par la rage et les pleurs après avoir mis à feu et à sang une ville entière. Notre damné devient une icône pop du désormais célèbre PTSD des anciens combattants et le symbole d'une Amérique qui a perdu sa guerre et sa dignité. Les deux ne sont pas toujours liés. Immédiatement après la défaite, Hollywood a produit très peu de films qui traitaient frontalement des traces de la guerre du Vietnam, en dehors de quelques indépendants. Le vétéran et ses blessures, visibles ou invisibles, fait peur. On le voit apparaître à la fin de la décennie, décrit sous les traits de fous furieux ou de psychopathes, l'incarnation d'une angoisse sociale mal identifiée, d'une Amérique divisée sur sa place dans le monde. Selon l'historienne Marjolaine Boutet, ce film, le premier Rambo, représente une transition dans l'histoire américaine. Alors oui, justement Anaïs, le cinéma et la télévision des années 80 présentent des anciens combattants qui ne font plus peur, hein, qui provoquent plutôt l'empathie des spectateurs confrontés à leurs souffrances et à leurs difficultés de réinsertion. Le sort des traumatisés du Vietnam devient une noble cause. Rambo n'est plus un loser contagieux, c'est un martyr, un héros. D'ailleurs, dans les films suivants, Rambo 2 et 3, il retrouve sa force de combat, sa virilité, et gagne les guerres du Cambodge et d'Afghanistan à lui tout seul. Un nouveau costume impeccablement taillé aux mesures du néoconservatisme de l'Amérique de Ronald Reagan, qui modèle la mémoire de la guerre du Vietnam en retaillant les angles pour lui donner toute sa place dans le récit national américain, forcément victorieux. Cette débâcle absolue n'est désormais plus qu'une épreuve dont le pays serait sorti grandi. C'est le prix de la réconciliation d'une nation avec sa mémoire, quitte à tomber dans le déni. Rambo a liquidé le trauma de cette guerre perdue. Et pour ceux qui voudraient aussi, l'un n'empêche pas l'autre, sortir du mythe, jetez donc un œil à la série documentaire de Ken Burns et Lynn Novick, Vietnam, disponible en VOD et en DVD. C'était pas ma guerre. Et vous pourrez retrouver la bibliographie de Marjolaine Boutet et bien d'autres références sur la page du Journal de l'Histoire sur franceculture.fr.